Jamais deux sans toi. Revenue à Grasse, Faustine se noie dans le travail. Et vas-y que je te couse, repasse et décore, que je te remplisse les stocks, aille chercher des fournitures à l'entrepôt et fasse des allers-retours chez les grossistes niçois. Elle refuse de revoir ses anciens amis au motif qu'elle ne fait que passer. Une sorte de rage contre l'adversité, ses parents en l'occurrence qui ne lui ont pas donné les moyens d'être autonome hors leur tutelle, la tient, qui lui fait saboter toutes les tentatives amicales. Elle a néanmoins retrouvé avec bonheur son petit studio meublé. Ils n'ont pas encore eu le temps de le liquider. Pareil pour sa vieille quatrelle. Quant à Magali et José, ses gentils voisins d'autrefois, ils ont laissé la place à un couple de leur famille. Tout le contraire d'eux. Des rustres qui se mettent à baiser bruyamment pile au moment où Faustine tente de s'endormir. Elle en hurlerait de colère en cognant contre les murs si elle n'était pas si fatiguée. Consciente qu'elle n'arrivera à rien dans la vie si elle ne se donne pas la peine de sortir de sa condition sans avenir d'artisan couturière, Faustine réfléchit à une reconversion. Un jour, dans le journal local, elle tombe sur un encart publicitaire du CNED, Centre national d'enseignement à distance, concernant des cours de secrétariat. En voilà une idée qu'elle est bonne. Le coût d'inscription étant modique, les conditions de base remplies, un simple brevet d'études est suffisant, la jeune femme s'inscrit. Actuellement, on cherche des secrétaires partout, dans tous les domaines possibles et imaginables. Un métier d'avenir, dirait le cliché. La formation dure 2 ans. À première vue, elle ne semble pas bien difficile. Faustine regrette presque de ne pas l'avoir déjà suivie pendant son premier apprentissage. Elle aurait pu, ça lui aurait évité bien des déboires par la suite. Mais qui peut prédire l'avenir? En attendant, les premiers cours qu'elle vient de recevoir sont passionnants. Apprendre à situer les départements, à traduire les codes postaux, la manière d'écrire une adresse ou de classer des documents. Voilà qui plaît beaucoup à la jeune personne qui a besoin d'ordre pour se rassurer. Elle est servie avec les notions de comptabilité, une matière qu'elle apprécie beaucoup. Faustine raconte tout cela à Maxime dans leurs échanges de courriers, et ce dernier, stimulé par l'enthousiasme de sa belle, promet de lui trouver une machine à écrire avant son retour parisien. Lui-même détaille à sa compagne l'évolution de ses recherches de boulot. Parti une nouvelle fois aux USA pour le compte du comité I3E, Institut des ingénieurs en électricité et électronique, dont il fait partie, il a de nouveau accompli tout un périple entre 2 réunions de travail à la rencontre d'employeurs potentiels. Il craint de n'avoir pas obtenu le succès escompté, mais continue à se placer avec obstination. Il finira bien par aboutir un jour. Côté divorce, les choses avancent. Son avocat est confiant. D'ici 1 année, il sera libre. Il a revu ses parents aussi dans leur résidence de Houdan, qui n'ont toujours pas abandonné l'idée de le faire revenir sur sa décision de divorcer, espérant, contre toute logique, une réconciliation. Maxime n'a même pas répondu. Par contre, il se prépare à descendre à Cagnes voir ses filles. Peut-être pourra-t-il passer par Grasse au retour ? Faustine ne demande pas mieux. L'été indien se prolonge en douceur. Une balade dans l'arrière-pays sera bienvenue, rompant agréablement la monotonie de ces derniers jours, empreinte de morosité à l'annonce du décès de Jacques Brel. Faustine écoute ses chansons en boucle, surtout les dernières dont, si c'était vrai, ce poème d'une beauté absolue. À la Muller et compagnie, quelques jours plus tard, on ne parle plus que de Jean-Paul II, premier pape polonais de l'histoire à être élu. Un événement sans précédent, d'autant que le monde entier a été tenu en haleine. Qui succédera à Jean-Paul Ier, remplaçant de Paul VI, et décédé 33 jours à peine après son intronisation? Papa et maman sont curieux de voir comment les mentalités vont évoluer. Non pas qu'ils soient croyants, encore moins catholiques, mais elles connaissent le pouvoir du prélat sur l'évolution politique dans certains pays, l'Amérique du Sud en particulier. Faustine s'en fiche royalement, elle n'est pas concernée. Elle attend son amoureux qui finit par arriver un soir, épuisé mais heureux. Il s'est tellement donné pour faire bouger les choses aux États-Unis côté boulot ou à Paris côté déménagement et à Cagnes enfin côté divorce qu'il est sur les rotules. Revigoré par un bon repas, il dormira presque 12 heures d'affilée pour se réveiller en pleine forme et traiter Faustine à la hussarde. La jeune femme qui ne s'attendait pas à cette entrée en matière maladroite est choquée. Elle le repousse. Lui n'en a cure. Une fois dans la place, il se conduit en terrain conquis, se servant sans vergogne de ce qu'on lui aurait volontiers offert autrement. Se rend-il compte que cette fois il va trop loin? Il ne voit pas les larmes qui s'échappent des yeux de sa victime, crucifiée comme un papillon. Quelles sont belles les gorges du Verdon dans cet automne flamboyant! Munis de leur pique-nique préféré, côtelettes d'agneau, tomates, camembert, baguettes fraîches et amandines pour le dessert, les amants descendent carrément jusqu'au bord de l'eau après avoir ramassé un peu de farigoule séchée sur le talus. Décidé à occulter sa récente humiliation, Faustine se laisse gagner par la beauté ambiante qui, bien vite, panse les blessures de son égo. Réconciliée avec la vie, elle pardonne et se tait. Maxime rentre à Paris dans la nuit. Avant de partir, il lui a refait l'amour, avec toute la douceur du monde cette fois. « Oh, Mastine, comme je t'aime !» murmure-t-il au creux de son oreille. « Le temps passe vite, tu verras. Bientôt, nous serons réunis. D'ici là, je t'écrirai tous les jours. » Faustine reprend le collier et ses études. Elle a de bons contacts avec ses professeurs, qui semble s'impliquer très sérieusement. Elle a reçu avec les premiers cours le carton qui lui servira à apprendre la frappe au clavier. Elle tapote sur les lettres dessinées en se réjouissant de passer à la pratique. Quoi qu'il en soit, elle répond à la main toujours aux lettres de son chéri. 3 ou 4 fois par semaine, ils échangent leurs impressions. Maxime est déçu. Mireille a tenu parole. Elle ne veut plus rien savoir de lui, autrement que sur un plan strictement amical. Il n'ira pas chercher ailleurs pour autant. Cette fois, il a compris. Il attendra patiemment le retour de Faustine. Cette dernière l'en remercie par un courrier dans lequel, plus loin, elle se permet de moquer un peu, ou aussi peu, une certaine tendance à la radinerie qu'elle a cru détecter chez lui. De tous les défauts, celui-ci la touche particulièrement, tant elle est persuadée qu'une personne mesquine ou avare l'est aussi affectivement. La jeune femme attend un démenti de son intuition, une preuve en quelque sorte, sans se douter avoir jeté un tel pavé dans la mare. Que n'a-t-elle pas écrit là? La réponse ne se fait pas attendre, menaçant de tout détruire entre eux. Maxime lui renvoie la balle, en rétorquant qu'il préfère économiser sur le superflu plutôt que l'essentiel afin d'atteindre ses objectifs rapidement quand il met un projet en route. « Et toi, qu'as-tu accompli de tel dans ta vie que tu te permettes de me critiquer? Quand j'ai sorti l'artillerie lourde pour te séduire, à coups de cadeaux et d'invitations, de voyages et de vacances, tu n'as pas vraiment refusé, n'est-ce pas? Bien au contraire, tu t'en montrais plutôt friande. » De là à penser que tu t'es conduite en petite fille vénale. M'aurais-tu seulement regardé si je n'avais pas été le chef d'orchestre du pied bleu, si je n'avais pas eu une belle décapotable, et ce que tu m'as répété des mots de ta mère, s'il te veut qu'il paye, n'a certainement pas arrangé les choses. La gifle atteint Faustine de plein fouet. Dans un premier temps, elle est mortellement vexée, persuadée que Maxime a raison. Elle est une moins que rien, une putain. Puis elle a réfléchi, en son âme et conscience. Oui, elle a adoré être gâtée, bien qu'elle ne lui ait jamais demandé de voler un appareil photo pour elle, par exemple. Mais elle n'a rien revendiqué. Oui, elle a aimé voyager en avion. Après tout, elle a remboursé la plupart des billets. Recevoir des fleurs et vivre le roman qu'il lui proposait. C'était si passionnant. Qui ne l'aurait faite à 20 ans? Quoi de plus naturel? Et elle aussi lui a offert des cadeaux, sans penser pour autant à les comptabiliser. Mortifiée, elle prend conscience de la difficulté qu'elle aura à construire un avenir commun avec quelqu'un qui pense autant de bien d'elle. elle n'a qu'une envie, après s'être saoulé la gueule, lui renvoyer sa morgue au visage. Ce qu'elle fait, à chaud, dans une longue lettre vengeresse. Puis elle va se coucher, rompue. Elle a fini la bouteille de Listel, elle corrigera son écrit demain. Au matin, la vapeur est largement retombée. Faustine est beaucoup trop impliquée pour pouvoir vraiment faire la part des choses. Son homme aura toujours 15 ans d'avance sur elle, et même si elle est mûre pour son âge, il lui manque l'expérience qui fait la différence, qui lui permettrait de prendre la seule décision qui s'impose actuellement, tout plaquer, fuir le plus loin possible. Hélas, à défaut, elle réexamine la situation, évalue le pour et le contre, à son tour de calculer, pour se rendre à l'évidence que cet homme-là, quoi qu'on en dise, a tout quitté pour elle. Le lâcher maintenant, ce serait avoir détruit 4 vies pour rien et se retrouver coincé chez sa mère. Impensable. Il ne lui reste plus qu'à faire le point dans sa poche et tirer le meilleur parti de la situation. Peut-être que s'ils ont la possibilité de recommencer leur vie, à Paris d'abord, à l'étranger par la suite, hors de toute influence négative, ils parviendront à être heureux en dépit des obstacles. Pourquoi ne pas se laisser une chance? Fin novembre 1978, sur le quai de la gare de Lyon, à Paris, un homme attend la femme qu'il aime.